بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم برادة التجاني ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني في جواهر المعاني جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق رضي الله عنهما ورضاهما والنبي قوله بسببها يعني أن العلم الجاري في هذه الصورة وهي ينبوعه إنما كان بسببها فقط إلى آخره manam fi ñewon wajalta minha fiha bisababha anbisat alilm bisababha manam qawlu wahdi min bisababha manam lolu wax joj bisababha bobu ha yani neena ma nga jey nam an alilm nak xam xam aljariye be yaji daw fi hadi surati ci bobu la jëm manam jëm joj mu don wax moy haqqatul muhammadiyya ne nga xamantena mom moy ciosanu xam xam yi moy ballu way bolam xeta xam xam yi manam loye théorème yek lepp ak xam xam manam yi régir xam xam yi mais ak xam xam parce que xam xam bu nek comme niñ ko xamé dañ ko régir par ay ay loi ay théorème ay et cetera yenn yi sax ñom moy nga xam expérimental ay science expérimental la ñom ñoy am ay théorie wa ñom ñoy am ay théorie bon théorie légui maintenant il faut les vérifier ba xam dañuy mujjé nek ay vérité scientifique mujjé nek ay théorème ay loi et cetera wala bok dañ leen di concevoir comme étant des théories rek après ñu bayé leen non lool la ci ki bi ki wu horaire bi sa ay ki bo évitul bo mo defal ci horaire lool taxam ni sax lool préciser voilà entre théorème yi ak vérité ki théorie yi ak vérité scientifique parce que en fait liko indi won moy dafa am ko waxone woy gaay science de toute façon ci ay ki dañuy xam ben affaire bam yagu ñu wedd ko alors que dañuy xamul ne mo dafa lolo taxon mo xamne manam question bobu meun na nek ci bop nit ñi ci bo waxe affaire yoy non dañuy japp ne woy ya de ki scientifique de toute façon dañuy japp ben affaire après ñu bayiko alors que xamuñu ne dafa am lo xamanteni lol ay vérité scientifique lañ moy donc lolou établir lañ donc ko ay loi lañ ak ay théorème et cetera yo xamanteni yu clair lañ ñu tek la mu am li nga xamanteni mom ay théorie lañ voilà légui théorie yi nak yoy lañi yoy ñoy am évolution ki théorie ki lay wax théorie bi di voilà diko développer et cetera parfois nak da yoy théorie yoy lañu jël bëgg la gëm lo né la ay vérité lañ su fekkante né parce que da fay and ak doctrine souvent day and ak doctrine passe-passe souvent théorie day and ak doctrine passe-passe voilà comme théorie évolutionnisme par exemple mais instant bi ni gaay xamnañ ni théorie bobu tout le monde scientifique xamnañ ni théorie de l'évolution bobu baaxul mais téréwul dañuy gëm lo nit ñi né len que ni manam que théorie bobu voilà que c'est une théorie scientifique tout de même alors que li woné ni dafa faux dafa bari li woné théorie bobu c'est une fausse théorie mom dafa bari mais téréwul nuy ki rek comme par exemple xam nga bobu mo amone théorie de l'évolutionnisme par exemple mo am en face mo am l'unité théorie du big bang en fait biñu xolé gis na ni théorie du big bang mom mo djub et que théorie de l'évolutionnisme bobu djubul mais théorie big bang bi gay soit bo xolé ñu bari ci milieu djulit ni dañuy fogné théorie big bang mom dafa contre diiné manam ñu bari moy ci awami bien sûr motax ñu wax ñom xamuñu né ñom dañ nan woy théorie du big bang wa lool dafa contre diiné nangam manam ñom lool lañu alors que xamuñu né c'est faux théorie big bang contre diiné du tout d'ailleurs théorie big bang moy seule théorie bi taxaw non seulement mom moy bi nga xamanteni mom la diiné yi di wax ba paré moy seule théorie bi nga xamanteni mom la vérité scientifique loi yi deugural té moy so déllowé dans le temps espace bi day gën di touti nga déllu dans le temps ci ginnaw espace bi day gën di touti di gën di manam di gën di rétrécir ce qui veut dire que kon lu temps bi di gën di sori hein espace bi di gën di reuy espace bi di gën di reuy galaxie di gën di et cetera manam di gën di mak étoile yi ki manam nga gis kon lu bari bari univers di gën di yaatu mais boy delou wat dans le temps ci ginnaw des années lumière affaire bi day gën di touti mais na dina dem ba ben moment day am espace bo xamantene manam dañuy dem di rétrécir dans le temps loy delou ginnaw bo mu am fo xamantene espace bi day nul. C'est-à-dire que le volume est nul, le volume zéro. C'est le concept que les scientifiques utilisent pour dire le néant, pour dire que le moment où il n'y a pas de mais ils ont dit qu'à partir du moment où il a commencé à exister et que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait dans le monde, quand on a dit que les gens ont été aidés, et qu'ils ont été moussés. Asaman si mi ngi ni dañ ko tax moy univers bi lolou lay djublu dañ ko tabax ak katan mune te ñun ñu ngi koy yaatal sa su ne manam inna la musi'un manam kon mom moy lu temps bi di gën di dem day gën di yaatu motax lu mune musi'una manam ismu fa'il la manam ñun manam moy ne dañ koy ki yaatu ismu fa'il nak day tektele manam ad dawam wal istimrar ismu fa'il wal ad dawam wal istimrar manam day tektele ak sax ak continuité manam permanence et continuité ce qui fait que ça ce nek day gën di continuer té lool moy li depp diiné ak ak alam awalam yara le diiné kafaru anna sama awal arda kana taratqan fa fataqnahuma kana yéfir yi wéd yalla bok xana gisunu né asaman ci ak souf ci daño nekkon ñun ñep ben bloc manam moy ci volume zéro bobu jek jek moy mu né ñu ñu fa fataqnahuma ba fataqa fataka manam moy tek la manam ci anam la go xamantene manam explosion la das gis nga motax lool sax la même expression bi la scientifique di utiliser pour wax ni explosion mo am veuf affaire univers bi genn manam donc loolu théorie bob moy loolu lañu tuddé théorie du big bang voilà té moy seule théorie bi juste et scientifiquement té bob mom la julit manam mom la religieux yi tudde motax théorie bobu dañ koy tudde tamit théorie dañ koy ki le créationnisme moy wa moy créationnisme moy le ñi nga xam tane ñom dañoo japp ne aduna bi dañ ko créer ñom ño nek ak ño wuté évolutionniste yi nga xam tane ñom dañ japp ne moy ñom théorie du matérialisme dañ ko tudde voilà moy le matérialisme moy aduna bi dafa mësa nek ni naka jek après mu jek jek nekkon ci stabilité instant bi day évoluer parce que dafa jek jek di évoluer té lolu man tané hein comme cheikh abdama min do xam té rat lolu mënul né mënul parce que il faut que mu am parce que bu fekkenté dafa taxawon stable ak nonu rek kon lan moko fi indi il faut mu am lu ko fi indi mënu fi indi bopam ba paré bu don dafa stable kessé il faut mu stable après di continuer manam di évoluer bu fekkene dafa tok stable jek jek di évoluer amna lu ko yeungal ba tax mu évoluer parce que ci ram dafa stable on naka jek depuis la pré-éternité il faut que mu ben moment bi nga xamné ci lay tambali di daw il faut que nak mu am lu ko yeungal voilà té lolu nonou il faut kon mu am une force derrière parce que ben mbir pour mu évoluer il faut que mu am ay force yu appliquer wu ci mom lol ben la ñaarel ba mom moy même pour mu taxaw nek lo stationnaire lo xamanteni yeungatuul il faut que mu am une somme des forces yo xamne ñoy appliquer wu ci mom et que ñom ñoy tax mu annuler wu c'est à dire que ñom ñoy tax mu stable nonu taxaw parce que lo bayu ci ngelaw rek day daan donc li tax ba mu taxaw ñun ni bo gisee fi ñu nek ni and ak ñu nek en hauteur ci étage té daanul c'est parce que fi ñu dafa am lu téyé ci souf and ak suñu force présentateur ñu ñi xëc dinu wacce mais force réaction bi nga xamantene mom mo nek ci fiñu tok motax ñu tax stable sino ko non dañuy daalu ci suuf affaire bi bu noyon fiñu tok ni bu noyon rek leg de gis ah oui donc il faut que kon manam kon ñun liñu tey fi moy somme des forces yi nga xamantene ñoo appliquer wu ci ñun ñoo annuler wu sino ko non tan duñu taxawa duñu dañu dañu mab kon ba tay instant bi duñu tal di nek di wax yi ñi wax ñi ngi tal leneen voilà donc voilà donc lool la kon yow manam même nga le fait que nga japp ne matérialisme bobu rek manam likoy daanel likoy mabal lepp dafa bari likoy mabal lepp dafa bari bon ala kulli halam liñ ci djiblu won mom moy théorie ak vérité scientifique buñu ben maintenant comme théorie du big bang au départ théorie la won maintenant vu progrès scientifique ak yoy le fait que ñu explorer univers bi nangam et cetera tout ça lañ mujjé gis ni effectivement c'est la seule théorie qui est plausible en tout cas scientifiquement voilà maintenant nak ça devient une vérité scientifique mais li lay jaxal parfois ci médias occidentaux yi moy le fait que ñu gëmlo gaay ni le via la théorie de l'évolutionnisme qui est là et qui est valable alors que théorie bobu scientifiquement dafa mabbu ci côté yu bare bare bare yudul ben du ñaar du ñetti côté côté yu bare bare théorie bobu dafa mabbu mais tout temps ci manuscrit ci école yi loolu lañuy jàngalé pour gëmlo nit ñi pour parce que lan motax c'est lolu da fay tax parce que dañu bëgg gëmlo nit ñi luñu tudd athéisme man dañu bëgg gëmlo nit ñi neen yalla amul wéddi lo nit ñi yalla mom motax ñu bëgg jàngalé affaire bobu même ñun sax da ngay gis c'est ñun biñu jàng école biñu jàng bien que créé par Dieu l'homme est un premier produit de l'évolution nangam nangam hein descendu singe nangam etc voilà lolu c'est pour xawa ki mais c'est pas vrai créé par Dieu rek fi am parce que c'est quand même parce que li ñu gis mom moy né qui ñu tuddu espèce li ñu tuddé xam nga dañ nan apparition de l'espèce ak disparition de l'espèce loolu lañ xam moy dañu gis né espèce yi dañuy apparaître rondo ba par de disparaître rondo ben moment duñ leen gis par exemple espèce yi ñuy jékki jékki am lu jur benen espèce amul loolu ba légui gisuñ ko théorie de l'évolutionnisme lim nga bëgg gëm lo nit ñi mom moy dafa am animaux yi dañuy jurante après ñoy jur évolution bi tax ba ñuy jur yeneen xéti animaux mais lolu amagul ba légui amaguñ ci preuve amaguñ ci ben exemple bu leer ni soppé ko moy manam jeen bi day jéggi jéggi ci ndox non non lolu moy jeen bi par exemple day nek ci ndox mi jéggi jéggi génn commencé dox voilà exactement manam kon jeen bi moy jéggi jéggi commencé nek ki jëssik manam jeen bi mo soppali ku jëssik ginnawam né ki jëssik mu commencé génn bi mu génné après mom mo jur ay ñom ci ndax ak ay xéti gaay yo mais xam nga lolu yanuul mana xam nga hein voilà c'est à dire que te parce que li tax li waré ni yanuul mana moy jeun mi ngi exister ba légui te gisaguñu jeun bu jur leneen lu bokku te jeun gisuñu jessit jur leneen lu bokku te jessit gisaguñu ba tay et cetera topal lool maintenant dañuy gis façon jeun yo xamné dañ daan am il y a quelques milliards wala millions d'années ñu jéki jéki gisatuñu jeun ñu gis ay xéti xéti animaux yo xamné dañ daan am yenn moment ñu jéki jéki gis ni amatuñu ñu gis et cetera manam lolou yoy soko topé day gis day am ay kon ay animaux yo xamanteni dañuy am ben moment ñu jek jek dootu ñu amati lolou mom mo meuna nek nit tamit dafa jek jek rek ben moment am amul dara lo xamanteni moko jur waaw deg guñ fi tamit nit ku jur lenen la waaw nit ku jur lenen lu dul nit ba legi deg guñ voilà et cetera topal lol deug kon legui muy wax na kon muy wax na kon sabab bobu ci sabab bobu manam mune kon sabab yenenti bi kon sallalahu alayhi wasallam mom moy kon ciosanu xam xam yi wala moy ciosanu xetu xam xam yi xam xam yep kon ci mom lañu jogi léegi mu ne qawlu waxna bi sababha man ci sababam yaani mi ngi ci nam an al ilma nak xam xam al jariya bay aji daw fi hadhi surati bobu la jëm moy han yaanti bi sax man haqqat muhammadiya nga xamantene moy jëm ji ndik genn wahiyati moy yanbu'uhu mom moy ballu wayam manam moy min bi mu genné innamal amba des moy kana dafa nek bi sababha ci sababu jëm manam haqqatu muhammadiyya faqat kesse iz ndax la illata amul tax tax laha manam amul ak ay la moy lu wara tax manam wa moy tax tax wa la diko ñel baynaha ci digënté mom wa bayna zaatil haqq ak digënté nek nek bur yaalla bi deug hatta mbeta takunu muy nek la haadi jël lola sababu man ak sababu manam amul ben illa manam amul ben cause bo xamantene dañ nan li motax yalla créer yenenbi sallallahu alayhi wasallam lulul ne rek nam nam mo ci adu bu créer ko amul lenen kon manam yalla bind bi bind minde fi daf leena bind te limu jëk amal moy moy lan haqqatu muhammad la amal gi mu amal minde fi nak du lo xamantene dañ nan naturellement la moy tiba tiba am rek non manam naturellement ni donc du tabia moko waral ak la nature parce que lan la manam parce que bu fekkene da nga wax lolu moy c'est comme si buñ né xam nga naturellement par exemple jant bi par exemple rayon solaire dañ ci génné rayon yi ciñeru jant bi dañuy génné ci jant bi mais naturellement c'est à dire que jant bi ci jëmmé bopum amu ci nam nam amu ci dara lu ci bëgg au moment où nek na jant di tak rayon yi dañuy génné ci mom hmm bu fekkante ne da ngay jël mbir mi yobou ko ci ella ne lolu xam nga ni yalla demewul nono minde fi yalla demewul nono minde fi parce que bu fekkante non la demé minde fi koronton minde fi naka jek dañi am fek yalla ngi am kon lolu lay doon parce que fek jant bi parce que est ce que comprendre lima wax fek jant ba ngi am rewey dañi exister kok mom moy liñ xam parce que dañuy guéné ci mom naturellement bu doon né nak yalla non la démé ak mindé fi né faawu mindé fi dañuy guéné ci mom dañuy am naturellement su doon lool la konontone fék yalla nga am mindé fi dañuy am té moy lan loolu mom moy kon mindé fi seen existence day pré-éternel comme ni yalla pré-éternel au moment où xamna ni mindé fi pré-éternel ñu dañuy xamné kon guéné wuñ ci yalla ci anam goom du deug légi mu dess benen bi ci dess mom moy hel la tax mu am cause buy tax bu don dafa am cause buy tax kon yalla day nek ko xamantene day wo day aju ci cause bobu manam day nek ko xamantene cause bobu da koy retenir de telle sorte que soufi cause bobu nekke minde fi nek fi soufi cause bobu nekul minde fi duñ fi nek té kon bu boba yalla day nek ko xamantene dañ koy régir ci ay cause sa dir ke dañ nan nangam de moy li waral yalla manam nangam am ci tukke ci yalla ce qui veut dire que kon circonstances yi dañuy daal di am poids ci kawam booba do nekati ki nga xamantene mom moy borom ki noot lepp ci man lepp ki sañ lepp motax yalla kon bi muy amal minde fi amul lolu amul cause amul sabab amul tax tax daf ko ñew rek tek ko nonu parce que mom lolu le bëgg jeexna faalun lima yuridit defa kon luko sop rek la luko def rek legi lol kon mu ne fa inna allaha lur bor moy bur yalla tabaaraka wa tabaaraka barkel na lol manam muy yiw la wuy del lek lol lek sa suné wa ta'ala ta kawna arada dafa nam hadhihi surata gis nga bi lek jëm manam nek jëm manam nek portrait manam existence bi moy yentibi sallalahu alayhi wasallam li zati ha ngir jëmmi bopam fa hiya mom sababu moy sababu kulli shay'in bepp mbir wa hiya te mom sababun sabab la li nafsiha ngir jëmmi bopam qawlu wax jim wax ne waja'alta te dem ga def min athari ci jehatal hadhihi al'azamati gilek magay manam yaani mi ngi ci nam manam te nga def ne ci jeexitalu gileng magay manam yaani mi ngi mune sam parce que haqqatu muhammadiyya la tuddé azama magay legi mune yaani lim ci nam moy samaha daf ko tuddé mom haqqatu muhammadiyya azamatan ak magay guri manam moy magnificence grandeur splendid voilà mune hein voilà splendeur magnificence naka voilà voilà grandeur extraordinaire voilà yu mel non mune daf ko ko tuddé li kawni ha ngir nek gi mu nek qabdatan di nepp min nouri di tukke ci leru azamatillahi magay bur yalla taala ci kaw di mom lol la dafa joge ci leru magay borom subhanahu wa taala faliza li motax summe ñu samaha mu tuddé ko mom yentil salatu ndax mom mo teug salat ala nabi bi mu tuddé ko azamat ak magay gu yaat gu reuy wa qawluhu wax gi mu wax nak min athariha ci jeexitalam manam ne ci jeexitalu le bindi ci jeexitalam manam fa innaha limur mom moy mom hiya mom mom haqqatul muhammadiya moy as-sababu sabab fi izhari ci feñal bi yalla feñal zawatu wujudi nekku minde fi manam moy les choses existantes c'est l'essence les essences des choses existantes yalla mom mo len amal ci sabab bi mu amal haqiqatul muhammadiya te waxna la legui ne la haqiqatul muhammadiya amul benen sabab bu ko amal ludul jëmmé bopam te yalla daf ko def ngir bopam lako bindé yenen ñi ci dess yépp du fi leen génné ci mom ngir jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam donc kon manam ay traceam moy asar ay trace ay effet yenen ñi ci dess yépp ay effet wa haqiqatul muhammadiya la ak ay traceam duñu lenen deng kon mom moy sabab kon haqqatul muhammadiya moy sababu genn feñal gi yalla feñal mbolem li exister min al adam jele ko ci ñakam ilal wujudi indi ko ci kam manam jele ko ci neya indi ko ci existence fa innahu li war moy mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam allah bur yalla alayhi wa sallam te musul ko lawlahu budul won mom ma azhara du feñal allah bur yalla shay'an dara min al mawjudat ci nekte fi budul won mom yalla du feñal dara ci nekte fi lan motax bu utiliser ba du feñal mom azhara mu feñal mo faire apparaître parce que ñooñu ñu exister wul lañ ci xam xam mom yalla da leen exister ci xam xam ba pare tam ñu exister nañ ci bir haqqatul muhammadiya comme ni ñuy wax rek né fourit bi en réalité mi ngi ci omo bi xam nga ha wala tal bi mi ngi ci garab bi tak tak mi ngi ci garab bi mais boko doré tay wala xéer yi ci lay génné mais en réalité mi ngi ci wa fourit bi li tax omo bi boko jëlé duggal ko ci bir ndox mi yëngal affaire bi four fourit bob mi ngi won ci omo bi hein voilà mais doko mun gis lulul voilà ñun tam ñu minde fi ñun ñi ngi ci xam xam borom bi mais ñi ngi won ci haqqatul muhammadiyya bi mu biko borom bi jele ci hadaratul ahadiyya gi jele ko fofu indi ko ci hadara bi nga xamne moy hadara nekte fi do hein ñi ngi won ci haqqatul muhammadiyya mais nak sa yu borom subhanahu wa ta'ala bëgge feñal dara rek da koy guenne feñal ko guenne ko ci ñak am indi ko ci am mais ci sabab ban ci cause ban ci ciosan ban sallalahu alayhi wasallam wala mo yentou sallalahu alayhi wasallam mo nek ciosan deng motax burul won mom yentou bi sallalahu alayhi wasallam manam kon motax mom yentou bi sallalahu alayhi wasallam lawlahu burul won mom ma azhara du feñal allah bur yalla shay'an dara min al mawjudat ti nek ite fi wala baqiyat giñ nani kon da nga dess ku loha ñom ñep fi tayil adam ci teunku ñak manam l'inexistence le néant mom la tuddé tay moy lan moy lu teunku lo xamantene moy lu compressé wu manam moy zip fichier zip manam ñun manam li le fichier zip mom la tuddé inexistence c'est-à-dire que donc c'est quelque chose qui est zippé hein manam compressé de telle sorte que haqqatul muhammadiya mom la amal et que à travers mom motax ñun suñu inexistence le fait que ñu inexistant manam mom motax ñu genn mëna feñ tay exemple bobu ñun dinañ ko mëne comprendre ci bu gaaw parce que tay bo jëlé ce ben fichier xolal nañ jël ay fichier comme fichier bi ni bi jël ko duggal ko ci ben fichier zip wala nga jël ko yor ko sa ordinateur te yoru lo logiciel buy tax nga mëne ko lire ni muy nekké non en fait c'est comme si dafa inexistant parce que en réalité ça me permet do dig ben wax sama wax ji do ko dig deug do xam lu ci nek do gis dara lu ci nek element yi ci nek moindre mot wala phrase yi wala yi do du ci nek mais bis boko deugul jele manam ni mu nek ci fichier zip bi nga décompresser ko nga utiliser winrar winzip wala xet fichier yi wala bok ni mu nek ci fichier non rek nga jël ko nga utiliser par exemple Real Player Winamp Win qui lecteur Windows Media Player etc ak yoy wa VLC xet yoy rek leg nga gis mu commencer expliquer commencer wax du deug nga dal wala sa lecteur MP3 wala yoy leg nga commencer wala sa telephone sa iPhone etc hein leg nga deug comme commencer wax leg nak ngay commencer xam nak leg element yi nga xamne manam chaque minute yan wax ñoo ci ne yan phrase ñoo ci nek yan wax lañu expliquer ci bir et cetera du deug minde fi wallahi masal ala minde fi non lañ melo ci xam xamu borom subhanahu wa ta'ala pourtant xam nga fichier bi exister na mais fi ak amul logiciel doko mën décorer doko mën lire ni mu nekké non kessé mënu le permettre nga lire ko mais bo amé logiciel bi da ngay dégg sama baat bi ni mu melni mom sax ngay dégg en fait do dégg baatu kenen té boko changer won ci ay logiciel bari nga diko lire ci même voix bi ngay dég même phrase ngay dég ci même minute mais ba paré contenu bi li ci nek yow dang koy meuna exploiter ndekete li mo mala bu fekké ben li ñi wax yépp musul won jaar ci sa xel da ngay am xam xam bu bes dëgg voilà mais est-ce que en tant que tel logique wax ji existé wul won avant si existé parce que fichier bi à part de tay ji ni existé na mais yow ya ko amagul won lu deug yow ya koy doga deug à travers ça li nga koy lire hein voilà borom subhanahu wa ta'ala ñun existé dañu existé won ci nu ñu compresser wo mais ci xam xamam mais compression bobu manam buñ doon dañ koy mëna tuddé fichier compressé ñepp nak minde fi yépp moy l'inexistence le néant fofu lañ nékkon dans le néant mu xam mais xamone nañu dans les moindres détails mais sauf que ñun dañu fiñagul woon mais haqiqatul muhammadiyya nak moy fichier moy li nga xamné moy logiciel li nga xamné mo décompressé affaire bu dul woon mom ne existence luñu feñ mo décompresser affaire moy logiciel bi tax gaay meuna lire meuna xamni ah d'accord de kete seigne tala gi cheikh abba ma nga né et cetera voilà den kon lolu moy kon mais logiciel mo fumé kon waaw lolu mom la guenné mom la borom subhanahu wa ta'ala jëk amal moy haqqatul muhammadiyya mom moy logiciel bi nga xamne mo décompresser mbolam minde fi mbolam tour ya lay melom yi et cetera ba ci lepp fofu lako manifester mom moy reflet bi nga xamantene borom xam wala lol la ko manam wala mom la ñëk amal te ci sababam motax mom daf ko amal ngir jëmmé bopam amul ko ngir leneen ngir jëmmé bopam et que leneen lu mu amal da ko amal ngir mom ngir jëm lolu wala muy yent muy haqqatu muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam deng muna wa maana hada mbir mi ni wax yeb moy lan ci gattal moy annahu nakal li wer bor moy law jarat bu dawon mashiatullahi cobar rek bur yalla ta'ala adikaji allati bi nga xamne anha ca cobare goga wuji dat ci la amé al aqwanu mindif yeb bi an ci ne la yakhluqa du bind mom yalla muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam to musal ko man han la gara dinne ni kon dana daw fi mashiatihi ci ciobaram an la yakhluqati ne du bind shay an dara min al wujudi ci nek ci fi lolay tek manam moy lan moy su fekkonte ne yalla ci ciobaram dafa ne manam ciobare gi nga xamantene manam ciobare moy volition par le faire de vouloir hein volition voilà bi nga xamantene moy bu borom bi subhanahu wa ta'ala bi daw manam bi nga xamantene mo exécuter wu ci mindi fi ba tax mindi fi exister beug beug gogou namb namb gogou manam ciobare gogou yalla am ci mindi fi bu fekkonte ne dafa daw ci ne duma bind sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam manam haqqatul muhammadiyya kon limi tek rek bu yalla dogalon ne namone ne beggone ne du bind yantibi sallallahu alaihi wasallam konoton en même temps lolou moy jëmmi beug beugam ci ne minde fi duñ exister tout simplement lolou moy jëmmi jëmmi minde fi duñ exister tout simplement voilà wallahi masal ala moy comme fichier zip biñ ton wax sank su fek internet damay ne man sama document yi ni fichier duma créer ben logiciel bu tuddu banam par exemple winzip wala winrar et cetera wala yu mel man lu koy meun di décompresser créer wuma logiciel bu mel non pour meun ko lire lol limi tekki moy sama sama ki duma ci mat sax tout simplement lol leng fa zawatul wujudi kon nek manam nek minde fi manam moy essence wu existence si essence des choses existantes hiya moy al ashbah moy jëmmi moy les corps al barizat yi nga xamantene dañu balle aji balle lañ an haqqati ci haqqat mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musul ko manam bi manzilati ci waccu ay al awlad ay dom al barizat yi nga xamantene ñom ñoy aji balle lañ anil abi ci bay al wahid bay aji kenn manam lool la manam yenen jëm yi nga xamantene ñom ñoo exister dans l'existence manam tout ce qui est existentiel hein dafa en fait boko xolé nga ni ñu mel ak haqqatu muhammad mi ngi melni kenn ben baye rek bi jur ñi ci dess manam yenen jëm yi yep ci même baye bi lañ joggé te boko leen xolé manam même physique bi ngay gis ki hein dëgg leen sax nga gis nit ko xamne moy ëpp doole baye bi rek mo koy sut ak yoy mais ñom ñep ci baye bi lañ joggé ci gëñu baye bi lañ joggé voilà mon nga ko al abul awwal bokku na ci turum yi sallallahu alayhi wasallam al abul awwal moy baye bu ñëkk ay ndal bënk na ni ko nonu moy al abul wahid tamit moy baye kenn nga xam moy papa yi ñëpp rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ci mom lañ joggé voilà wa intaha fi la wax jëm قوله وحج محمد من ومن بركاتها شبحة الصور كلها جامدها ومتحركها الله ومن بركاتها بوكنا سي بركاي تي توكينا سي بركاي حقيقه المحمديه صلى الله عليه وسلم دنج واخ دي مانام شبحة الصور جمي نيك نيك مانام مينتنا كور مينتنا لو فيزيك ميم لو كور ها دي سيلويت voilà des portraits voilà des images des formes sen corps sen nek taxaway ci barke haqqatu muhammad lañu amé kulha ñom ñep nak jamidha ya ca taxaw sax ca dal wa mutaharrikha ya ci yëngatu ma nga xam dañu stationnaire wala ñu nek hein mouvement yep ci haqqatu muhammad lañu gënal ma ñi nga xamantene fi ñu nek duñu changer manam jamais ñu changer sen état ak ñi nga xamantene dañuy changer état yi dañuy changer yépp ci haqqatu muhammad lañu génné manam i'lam mu ne xamal manam légui sharha bi moy manam mu ne i'lam xamal ne anna zawat al wujud naka nek mbinde fi manam moy essence des choses existantes kulha ñepp baraza dañu génné an haqqati ci haqqatu sayyidina muhammad sallallahu yalla jira allah bur yalla ci mo sallam ci musa ko jamale ha yi nga xamne ñom ñoo ci tax sax taxaw wa mutaharrika ha yi nga xamne dina ñom ñoy ci yi ci yëngu qawluhu wa bimu wax ne wa anat tahabit iqbal at-tahriki wa at-taskin xam nga loolu la quoi ci ci yaqutul haqaqa wa min barakatiha sabhat as-suwar kulliha jamilha wa mutaharrikaha wa ana at-tahab iqbal at-tahriki wa at-taskin voilà wa ana at-taha manam moy te nga dexeñ ko manam nga tek ko manam mom moy nga al-manat moy lo manam anata moy daf ko régir voilà nga régir ko ci nangam moy nga teunk ko tek ko ci dara bi iqbal at-tahriki ci nangu manam moy réceptionné nangu accepter manam at-tahrik yengur wa taskin akuk dal manam moy haqqatul muhammadiyya kon ah minde fi ci genné yalla daf leena def de telle sorte de leena régir minde fi yoy de telle sorte que dañuy accepter dañuy mën di fonctionner soit ñu nek ño xamantene dañuy yëngatu wala ñu nek ño xam dañuy dal ño xam tane dañuy nek parce que en fait lolu mo possible amul ñettel ci mindeef bo gis amul ñettel possibilité ni ben ci ñaar yi mo mu ne mom la la waxon kérok bi ñi wax ci li wone ni yalla mo bindu bi def yeb aduna Voilà. Lol la manam parce que minni fi en réalité buñ leen setlo ñepp mënu ñu gennu ñaari cadre figure mënu gennu soit nga nek lu yëngatu wala nga nek lo xamne da nga taxaw fenn manam yëngatu manam mënu amul digënté bi en fait amul yëngatu lo taxawoo amul lolu amul fokk ngay yëngatu wala nga taxaw nga yëm benn place manam moy station ba hein maintenant li wala effectivement que ni xam nga buñ xolé aduna bi dañuy gis né day yëngatu kon ce qui veut dire que amna force bu ko yëngal parce que xam nga té ñun wolof dañuy wax né lu yëngulu né moko ëpp doolé la ko yëngal ko ëpp doolé ce qui veut dire que ni kon amna lu ko parce que lu xam nga wolof ni sax ñoo gis nga même ci wax joju sax dañ ci déggé ni ñom japp nañ né dara du yëngatul bopom parce que dañ nan lu yëngu lu dé waxul lu ñu yëngal lu né dañ lu yëngu lu dé amna lu ko yëngal kon hein waaw lu ko yëngal ko upp doora voilà manam kon il faut que mu am lu ko yëngal té lolay ko yëngal moko upp doora effectivement parce que suko upp lu doora du ko mëna yëngal hein voilà té lolou buñ xolé aduna bi gis né day yëngatu kon amna lu ko yëngal ci ginnaw té lolou ko yëngal sik nekkul ci ni moko upp doole té comme moko upp doole kon koku dañ déjà lolou rek firndel guuy woné né amna kon comme mo nga yëngatu amna ca gannaaw ku ko yëngal koku moy kiko amal parce que moko jëlé ci ñak am indi ko ci am parce que munu ñu imaginer dara am fi fekk amuluñ ko voilà légui en fait c'est que démonstration wu yalla amna manam dafa am ñaari axiom ñaari préalable c'est que raisonnement double la en fait ñaari préalable ngay jël bo len bolewé ci ngay existe ci ngay xamé ni yalla munul ñak am première notion bi moy lan moy ciossan tossanu mbir yi moy lan existence moy tossan wala inexistence manam moy en principe inexistence moy tossan hein inexistence moy tossan en principe inexistence moy tossan bu fekete ni inexistence moy tossan kon lan motax existence am est ce que bu deke inexistence moy tossan est ce que inexistence mbir yep de manière générale dañ fi jugge rek dañ fi nek rek ñu jek rek après existence am sans mu am lu ko exister lool man na wa comme lool mu ñu nek kon dañu xamne existence moy tassal lool mu ñu parce que inexistence souvent que moy tassal manam moy en principe moy au départ inexistence de toute chose kon ce qui veut dire que ni lepp day dess dans l'inexistence parce que amul lu koy exister au moment où na xam nañ ni amna lu koy exister kon dañu xamne existence moy tassal lool ñu daal di tek ah comme li gars raisonnement mathématique ah daal di encadrer hein résultat bobu moy lan existence moy ciossane ñu tek ne maintenant deuxième chose moy ñun yi ñu gis ci aduna bi yépp gis nañ mais xam nañu né dañuy yëngatu dañuy bouger dañuy évoluer le fait que ñuy évoluer moy wone né amna fu ñu jëm parce que lepp luy bouger di évoluer dafa am fu mu jëm fo xamné fa lay téré parce que ci yaq lu jëm ci té lolu preuve matérielle la moy dégradation la parce que fim tolu mat même bu fekkante ne par exemple ben keur gi ma man par exemple sunu keur gi ma gané aduna man tay par exemple meun na gis ni keur gi momu fi yitu mais le fait que mako gis moy maget di changer mur yi di xossé ko ak yu mel non yenn yi di daan ci lay xamé am li day du yag yag ci yaq lu jëm bu deug aduna bi tamen non la dem manam même bu fekkante ne man fekkew mu ciosanam man xamna ni kon a partir de au moment où dama wo gis muy changer la xamne day am fu muy téré je té comme amna fu muy téré je limi tékki moy amna fu mu tambalé aduna bi yépp non la mel lepp lo xamne dañ ko gis muy yëngatu rek dañuy xamne mbir mi non la démé amna lan fu muy lan fu muy téré je koku mënul ñak am fu muy téré je légui man bima xamé ni amna fu muy téré je donc man ci la gis aduna bi lepp lu fi nek non la mel amul dara lu fi taxaw même goudi yeug beccu gi sax même bu fekké tan day répéter wu tout temps damay gis ni nuro wuñ goudi tay ak goudi demb gi nuro wuñ goudi bik ak tay nuro wuñ beccu gu tay gi ak beccu gu demb bi nuro wuñ niki nonu beccu gu suba bi du nuro beccu bi ci tek niki nonu aduna bi nimuy évoluer damay gis ni mbir yi nuro wuñ donc comme que mbir yépp non la démé ma gis dëkk yi di sopéku ma gis que et cetera ma xamné kon affaire bi dafa am fu muy téré je au moins xamna fu muy amna fu muy téré je kon limi téki moy amna fu mu tambalé kon nak légui damay daal di mëna juger ci né aduna bi kon univers bi yépp dafa am fu mu tambalé loolu mom moy résultat bi ma daal di koy dëkk encadré légui a bima amon plus b bi ma am momoy wonne kon amna lo xamantene ko existence am comme que yima fi gis yep ñu exister te ñu xam leen yep am nañ fu ñu tambalé limi tek ci moy kon amna existence bo xamantene mom existence am amul fu mu tambalé te du am fu muy jexé kon te existence bobu il faut mu am fi pour amal yeneen yi nga xamantene ñom am nañ fu ñu tambalé parce que lepp lo xamantene dang ko gis muy am dafa am lu ko fi indi parce que moy exemple mo la joxone garo chauffage bi xam nga fekke wun ñun ko defal même xam nga ñun ñepp mën nañu tok waat jël suñu loxo duggal ko ci taal bi waat ne amna ko defal te gisunu ko defal jakarlo wuñu mo xamuñu nu mu tuddu xamuñu dafa ñun wala dafa wex mais xam nañ amna ko defal mënu ñak lu da mënu fi indi bopom nonu nak aduna bi mel parce que lepp non la mel mënu té comme dir mi non la démé kon nak dafa am existence bo xamné koku ci ciossal la bouddha muy exister sa suné koku mënu ñak ko xamné dañu fokk sa su nek dafa mësa exister ci ciossal mom créer dara du deug lolu kon day manam moy de preuve bu irréfutable buy wone ni amna ko xamantene ak amam dafa manam al qadim do manam dafa existence am manam dafa pré éternel manam mom mo am antériorité absolue sans commencement ni fin manam moy al qadam al qadam ba paré abadan la manam ba abadan day exister manam moy la yabiru du jeex abadan sans fin té kon koku mom mo créé ya mbir mi mom mo indi affaire parce que sinon yenen existence luñu mëna exister au moment où ñun xam nañ ni am nañ début rek konon ton duñu exister effectivement donc lolu ben démonstration la buñu tek né manam à travers nan lañ ko xamé à travers changement ou affaire lolu ben façon démonstration la amna benen façon bi moy nga déparé ci lini manam moy ne minde fi yep ñaari façon kessel moy lo xamantene dafa de yeungatu manam dafa am luñu wax ak tahrik moy yëngutu am lo xamantene ak taskin la manam moy ak dal moy taxaw ñaar yoy rek possible lool tamit dañ ci départ par rapport ak liñ waxon sank bu fekkante ni yëngutu la li yëngutu lu ne li yëngutu lu ne lan la go yëngal ko op doone lan ko yëngal kon kon am na lu koy yëngal and ak lu yëngutu lañ wax li yëngutu kon en fait même mère c'est comme si ñun dañ né manam ñun wala fi dañ né lu yëngutu en réalité mënu yëngal bopom amna tout temps likoy yëngal té loolu diko yëngal moko upp doone ah wa loolu proverbe di téki moko tassé bu mo tassé baat bi légui wala bo mu nek lu dal lepp lu dal dafa fekk né amna lu ko teyé ba tax demul yëngatuul du deug té yoyu ko teyé bo len bolé manam muy n'importe quel ki ay force ñom ño tax mu annuler wu té kon yoyu tamit ñoko upp doole parce que ño tax ba yëngatuul ño nek ci ginnaw kon régime ko tamit buma xolé lool kon limi tek moy buma bolé mbolém aduna bi yépp la yëngatuul la yëngatuul yépp amna lu ko teyé ci ginnaw ba tax yi di yëngatu yi yëngatuul wala té lol nek ci ginnaw du kenn ku dul kan ko xamantene mom du soxla ku koy yëngal ba ku koy téy il faut mu mel non parce que su mel non il faut que amul yëngatu ak du koy yëngal wa ni di wax yalla amul ñu xana tuñu xala non si am na si até até lol moy atheism no wa mais nañ am na dañ ko gëmul mais xam nañ am na amul en fait dire que amul ken wax ko gëm wala ñak gëm mo am wa wa mais le fait wa manam gëm existence ak ñak gëm existence lool la wax mais voilà mais kon lool la sa yenul manam voilà yenul manam c'est pas possible hein yanoul mana digir fit quoi wa mais subhan rabbi d'ailleurs lool mom motax kalam quand même baxna kalam baxna kalam parce que dina la permettre nga meuna am manam bu four bu djeggiwul dayo la wax manam parce que amna ñoo xamne dañuy xoss ci kalam gi mam almul kalam ba bo xamne dañuy mujjé dem ba dugg ci aberration ni ko ngagne gi ni ngagne yalmul kalam nak ci côté bobu la aju mais am bi ni bu baax la d'ailleurs mom la kan utiliser won sayyidna ibrahim alayhi salam bo xolé mbolem preuve argument yi mu don joxe mu suratul an'am wala suratul baqara débat yi mu ci don am yépp boko setlo même ci suratul safat deba yim ci am yeb boko xole day wulbeuti ko wat ci almul kalam moy bi mu gisse ci même principe bi la moy yeungatu bi ak ñaka yeungatu bi ci même principe bi la bi mu gisse wer bi lan la jëk gis vidéo mune hada rabbi sama borom ngi manam kom ko gaay dañuy jaamu vidéo xam nga dafa am gaay dañ doon jaamu vidéo yi mom mu gis vidéo yi da na sama borom ngi fa lama afara qala la uhibbul afila zoroastrien ñi jaamu vidéo yi zoroastrien ñom tak tak lañu jaamu d'accord ñom ñoy majusi d'accord deug mu gis ñi jaamu mu ne sama borom ngi moy vidéo bi kom gaay ñom mom lañu jaamu vidéo bi vidéo moy vidéo bu mag waa vidéo bi dafa jekki jekki da di souf mo ne man bëgguma borom buy souf manam fofu dafa len di won lenen comme que mi ngi yëngatu mom waaji mi ngi yëngatu limi tekki moy ko mënta nek yalla parce que bu doon yalla la du yëngatu parce que lu yëngu lu ne lan la ko yëngal ko fu doon donc manam et te gay attention gay dès le départ mom mu wax lolou rek dañ xamné ah way c'est vrai que wax na deug manam automatiquement parce que moy walé ni ñom xam nañ né effectivement lu yëngu lu né lu ko yëngal ko bu doore parce que légui nak mu ne fa lamara asham sa bazagatan qala hadha rabbi wala qamar fa lamara qamar bi mu gisee wër wi tamit mu ne sa borom ngi momit ba mu kiwe dani la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalim buma sama borom gindi wul de dana bok ci ñu sanku kon limi tekki moy manam da doon wax gaay ni le comme wër wi momit duggu na ben moment manam duna le fekk gisunu ko hein parce que bu fekkene parce que ñu bari dañu fogné mam ibrahim alayhi assalam le fekk mu ñaka gis yalla di lané ah comme yalla di lay sux manam dañu dem ba dootuñ ko gisati rek mom motax dede parce que su do lol la gaay ci def dañ nan ko mais yow tamit sa yalla bi ngay jaamu ñun gisunu ko bu boba du am lu mu len tont parce que momit effectivement yalla bi mi wax né moy yalla ñomit gisunu ko donc question bi nekul lol question bi moy le fait que mu yeungatu le fait que mu nek lu yeungatu di dem ak dik bi mu souxé gaane sa borom ngi bi mu souxé mu bi mu feñé mu ne sa borom ngi gaay nañ jaam ñu tok jekki jekki rek affaire bi dugg mu ne ki la xamé ni kon bir mi nekul lol han legui mu dess gaay jaamu jant bi bi gaay sa ñi jaamu jant bi mo fa lamara ashamsa ba zighatan qala hadha rabbi hadha akbar ok pro ma ben li tax mu meuna am lay pourtant gaay don jaamu wer ak bidiw bi ñom xamnañ ni li nek ci jant bi ci le fait que muy dugg ak genn manam kon muy yeungatu te la ko yeungal kon moko lat upp doole xamnañ ne mo nek ci li mais mom dafa argumenter ci benen côté moy riyaay bi hala akbar kon ci lay xamé manam que ni yalla dafa wara nek ci mag bu gëna mag lepp manam muy allahu akbar mais mom tamit biñu gisee ni amna lu ko upp doole ba tax mu sux ci la nak hey wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen wala legui nak suma jëm jëpp jël nako jubal ko ci ki nga xamantene mo fente asmane soufsi kon manam mo fente bidiwi weru jant bi ak wala yi ngeen di jamm mom mo len fente kon ce qui veut dire que dafa bok ci ni tax ba hein manam kon bo xolé lolou raisonnement bu xel la ñewul taxaw na leen sa borom moma yoni neena qul huwallahu ahad neel yalla kenn xam nga yéfer boko waxé lolou dana la topul fa de man gawma li ngay wax il faut nga wax mo manam ce qui fait que il faut que kon nga am capacité wu aussi argumenter ko bu mën xamné effectivement li ng koy wax deug la nga do ko mëna wax nak né ko waaw goré way yalla bobé nga xamné nak comme kenn la légui nak nga do manam procédure étape par étape la mon kalam da de wax nañ ko jang hmm non baxna torop baxna parce que bo xolé mam ibrahim alayhi salam lolou raisonnement bobu la defandiko argumentaire bobu la defandiko légui nak bi mu deng kon mune kon ki nga xamné mom mo dougal lol kon mané wa ma ana minam jukul man bokuma ci ñi bokal kon duma ko bokalé kenn wala mais gaay amuñu argument amuñu ben argument après ñu commencé am commencé ko tekko ak xéet yoy mais amuñu argument après même bo xolé ni mu def ak namrous tamit non xam nga namrous dani man man ibrahim alayhi salam bo xolé dani ko dami rabbi alladhi yuhyi wa yumit man sa borom moy ki dundal moy ray man rama sa sa lo ko manam moy lan moy mom mo fi nek li ciapa ciuli di def xam nga fele bimu nekké xalé ñam doon waxal gaay moy peuple bi dañu leen sa borom manam daf leen xamal wan leen procédure buy wané ni la yëngal mbir mi manam li ëpp doole mbir yi ba di leen yëngal moy borom bi kon mom mo wëtt ci lool ñam lool lay wax na wallahu khalaqakum wama ta'maluna la atabuduna ma tanhituna est ce que da ngeen di jaamu li nga xamanteni yeen ko yakal seen bop manam yow li nga yatt ba pare defar ko munu wolbeuti ko ko jaamu mune nak wallahu khalaqakum wama ta'malun tay Allah mo leen bind yeen ak seen jëf yi manam mo ak li ngeen def wala bok ak seen mbolam li ngeen def rek ce qui veut dire que kon li yeengatu ni kiko yeengalako pou doon yu deug moy day delu rek ci al muharrik bobu ñu wax voilà moy ki yalla mi nga xamne mo moy moteuru mbir yep moy yeengal mbir legi biñu waxe lool ne len yeen xana da ngeen di jaamu li te yalla mom mo leen bind yeen bind li ngeen manam bo setlo mom raisonnement am da koy concentrer souvent ci bir ci koku nga xamne mom mo amal lepp ci ciossat ba pare lepp lu xew bokoy yeengal mo fi def moy bour di bumbi di def di dindi xol bi mu waxe namrouz lool namrouz lum ko wax dana ana akhi wa umit man damay dundal damay ray damay dundal damay ray nakal day jël kenn indi ñaari nit dal ni gis ngeen ki mako dundal motax ma bayiko mu dund ki mako ray ray gis nga mako ray kon man ma ngi damay ray damay dundal xam nga tay mënon na niko non waxuma lool limay wax moy limay wax moy ne borom bi dundal gi mi dundal ak ray gi mi ray ci même nit ki la koy appliquer xam nga mu non wax la non non waxuma lol ci mais kon bo wa mom tamit meun na ni may dundal gaay ma len di ray nangam nang wala débat bi continue di ci dafa bayyi argument bobu té lolou mo lay won ni lolou djummi bopum moy kalam bi en fait ñoo ko imam mu wax xéñ lotax en fait nitu yalla yu maki ilmul kalam duñu koy faral di jëfëndiko luddul buñu démé ba gis né fofu il faut ñu utiliser ko pour ñi nga xamantene ñom seen amuñu ben spiritualité buñu andal pour ñoñu la ilmul kalam manam li ñu nekk di démonstration yi ñuy wax yëpp pour xéetu nit ñoñu la nga xamné amuñu ben spiritualité mais ko xëss ba am spiritualité da ngay wax ak mom ci lu yëngal xolam luy délo wat ci xol bi ci boromam et cetera motax bobu lañu jox priorité motax ngay gis ngañu gi ñuy ngañu ilmul kalam ci côté bobu la aju surtout ci dëkk yo xamné da yéfer yi amuñu fa nangam ngay tok di théoriser xéet yoy après da ngay sonal sa bop mais dëkk bu nekk war na am umbe au moins benn nit bu mën lool bu ko xam bu ay ci xam xam bobu parce que su amul n'importe qui day joggé fa lay ñew yaq xelu ñep comme li dalon suñu wa medina kan suñu na sa benn dëkk la bo xamné bon sama ay mam ñoko nekk quoi bo ñenn ci ñenn sama ay mam bon sama mbokk mam lañ ko en fait waaji dafa joggé Canada yaakaana xamu Philippe de Tudd xamu François Fatena Tudd waaji ñew doon défar ci machine yak yoy di waxtaan ak xalé yi ba xalé yi nekk waaji ni ko may yow benn xalé ni ko gëm nga yalla mu ne ko dégg non la gooma yalla mu ne ko ha ko lo gëm ko lo bind mu ne ko ha sama nday ak sama bay momu dem diko wax pay quoi ki fait mais pay quoi mi ki manam xomo Philippe Lowal François mom dal gëmul yalla pa bu mag bi manam ki nga xamne moy cheikhou village mu woy bu gëmul yalla ko lu muy gëm kon ko bind mu ne ko ah neena ndayam ak bayam pardon ah waxna deug kat manam xam nga lolu liko indi moy parce que lolu manam ki nga xamé bu fekkante la amul kenn ben lu ngon ben nit ci ben agglomération bu maîtriser lolu n'importe qui meun na ñew basculer sen ngëm n'importe qui meun na ñew rek rengilo sen ngëm yalla wala sen pass pass biñ am ci diine ji wala au moins il faut mu am kenn ko xamantene mom wala day maîtriser yoy de telle sorte que n'importe qui bu ñewé buñu ko téggé rek bu ko lappé rek bu ko doré argument rek waji dem teuri alako boy Ibrahim alayhi salam xam nga mënon na ni way mënon nañ top même argument bobu non li dedet comme affaire bobu Namrouz dougal na ci ay xéeti leunt ci assistance bi rek hein dugul na commencé na dugul leunt ci assistance bi rek bu fi nekké di continuer ñen ñi dañ nan non mais c'est que argument am deugurul nangam ki yoy mu bayyi lool lo tamit benen xétu technique la ci débat manam débat dafa am tamit ay sagesse ay technique ay ki manam moy su fekkete ne da ngay indi ben argument bo xamné controverse daf ci am même bu dé yow xam nga ni bo continuer yaay am deug gi sax mais nga bayyi bobu nga indi bo xamantene mom du ci mëna indi ben argument moy lan dañu ko légui sama borom mom yaati bi shamsi minal maghrib yow légui fakti biha minal mashriq ne fo bohi tan la di kafa legui man sa borom moy jël jant bi mo jël jant bi diko indé diko jëlé penku diko yobbu so legui su fekkante né yow tamit parce que lool bo xolé lan la wax moy la koy yëngal lu yëngul li yëngal jant bi la koy yëngal ko upp doon mune ko legui sama borom moy def lool legui yow bu suba dang koy jele au lieu muy jugge jant ci penko ni dem so legui yow jele ko so nga indi ko penko gaay sax neena manam borom xof daf ci neena namzut demone na ba norona wax ne dedet jant bi en realité ma koy jele penku diko indi saw mais bimu xolé ci assistance bi gis na ay pa yu ko maga ngefe xamne bobu bamu jant bi tambale di diga fof mom du dogul gis nga kon manam il faut parce que namu dogul xamne ni pour nga meun jele pour ngay meun di def ben action il faut nga nefi mo li wolof nan bala nga ne nam nef voilà manam kon il faut que nga meun nga nekkon fi au départ bi nga xamantene mom la naka jek jant bi di tambale djuge bi di dem fi nga nekkon waye bi mu xole gay e lolou meunatu ko wax mu def fabu hital ladhi kafara waja dadi ki yefer ba dadi ki wedd yalla dadi euleuf mu dadi manam bouche be meunatu la wax manam daf ko ngalap dafa ngalap gemin bi manam de tel sorte que de ko scotché meunatu lu wax kon voilà yoyu ki kon lol la manam kon ci gattal haqqatul muhammadiyya nak legui yi yeungatu ak yi dal yep ci mom la ko régirer ci mu ko meun di nango lolou xamna buñu ci jotay bi ñew inshallah fofu lañu tambalé waté wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin